ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island en mars 1979. J'ai entendu un bruit puissant, comme si de la vapeur se libérait. J'ai regardé par la fenêtre. Il faisait noir, mais les lumières de la centrale éclairaient un geyser de vapeur qui s'élevait dans les airs. From the lights over there, that there was a geyser of steam that was raising up in the air. William Widick témoigne de ce qu'il a vu depuis sa fenêtre au petit matin du 28 mars 1979. Ce jour-là s'est produit le pire accident nucléaire de toute l'histoire des États-Unis à la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie. Cet accident, qui va finalement produire plus de peur que de mal, va tout de même profondément secouer la confiance des Américains face au nucléaire, ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Three Mile Island aux États-Unis. L'accident est passé. J'ai entendu dire que c'était plus mauvaise pour les femmes que pour les hommes. Ça veut dire que peut-être un jour, si je veux avoir les enfants, mes enfants vont avoir les maladies ou quelque chose comme ça à cause de l'accident. Plusieurs études démontrent que la population est encore très stressée aux alentours de la centrale. La compagnie affirme pourtant que l'accident était mineur. Constatant ce qu'on voit aujourd'hui, on peut se demander ce qui serait arrivé en cas d'accident majeur. On espère sortir, cette année encore, les derniers débris qui se trouvent dans le réacteur. Ensuite, l'unité 2 sera fermée à tout jamais et sera transformée en un cimetière radioactif. Ce réacteur est devenu une attraction touristique pour la Pennsylvanie. Chaque année, plus de 50 000 visiteurs viennent voir le lieu du premier accident majeur de l'ère du nucléaire civil. Extrait d'un reportage d'Alain Borgognon diffusé à l'émission Découverte en mars 1989 à l'occasion du 10e anniversaire de l'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island le 28 mars 1979. Pour nous rappeler l'onde de choc qu'a provoqué cet accident, je reçois Karine Prémont qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que cet accident-là, l'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island, ait autant marqué nos esprits, Karine Prémont? Dans la mesure où on le sait maintenant, cet accident-là n'a provoqué aucune mort directe, n'a pas eu non plus d'effet important en termes de radioactivité. Bien, en fait, c'est surtout le symbole de tout ça parce que c'est quand même un des pires accidents nucléaires qui se soit produit. Sur l'échelle internationale qui mesure les événements nucléaires, c'est une échelle qui a 7 échelons. Et Three Mile Island est à l'échelon 5. Ouais. Et 7, je rappelle, c'est Tchernobyl, c'est Fukuyama, par exemple, en 2011. Donc, il n'y a pas eu d'effet important, mais ça aurait pu être catastrophique. Ça aurait pu être catastrophique et ça a touché 600 000 personnes à peu près qui vivaient dans un rayon d'à peu près une trentaine de kilomètres autour de la centrale. Alors, effectivement, ça aurait pu être pire que ça et ça a envoyé vraiment un vent de panique aux États-Unis parce que là, on a réalisé l'ampleur de ce qu'une catastrophe pourrait éventuellement être dans une zone aussi peuplée ce que celle de la Pennsylvanie. La menace nucléaire, la menace potentielle. Exactement. Ouais. Puis ça aura des suites, on le verra, mais c'est vraiment, je le disais, mais c'est vraiment ça quand on regarde la filière nucléaire aux États-Unis. Mm-hmm. Il y a un avant et un après Three Mile Island. Voici la salle de contrôle. Ah, le cerveau de la bête, hein? La vitre est anti-balle et anti-bruit. Dieu, qu'ils sont jeunes. Ah, industrie jeune. Ah, j'en vois un vieux quand même. À lui, c'était Spindler. Il travaillait déjà pour nous avant que la centrale soit aménagée. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Merci. Qu'est-ce que c'était? Un vrai tremblement de terre. Mon Dieu, mais qu'est-ce? L'accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island survient le 28 mars 1979, au moment où vient de sortir le film de James Bridges, Le syndrome chinois. C'est un extrait de ce film-là qu'on vient d'entendre, Karine Prémont. Et au hasard, ce film-là raconte justement l'histoire d'une catastrophe nucléaire dans une centrale en Californie. Ça fait partie un petit peu de... C'est important, c'est pas juste anecdotique de parler de ce film-là. Ça s'inscrit dans l'état d'esprit général qui règne aux États-Unis au moment de l'accident à Three Mile Island. Parlez-moi de ça. Où en sont, à ce moment moment-là, les Américains, par rapport à la question nucléaire? Mais en fait, à partir des années 70, les gens vont commencer à remettre un peu en question cette énergie nucléaire, l'utilisation de l'énergie nucléaire, parce que d'abord, la préoccupation environnementale commence à se développer. Alors là, on commence à se poser des questions sur l'impact environnemental du nucléaire, les déchets nucléaires, ce risque de catastrophe aussi également. Et évidemment, le film Le syndrome chinois, qui sort une semaine ou deux là, avant Three Mile Island, va consolider un peu cette crainte-là que les Américains commencent à percevoir concernant cette énergie-là. Ici, il y avait une catastrophe. Qu'est-ce qu'on ferait dans un cas comme celui-là? À ce moment-là, aux États-Unis, il y a 72 réacteurs nucléaires qui sont en opération. Ça représente à peu près 15 % de l'énergie américaine. Mais pour le gouvernement fédéral, c'est très important de développer ce secteur-là en raison de la crise de l'énergie, la crise du pétrole notamment. Les États-Unis en ont connu deux de manière importante dans les années 70 et on craint que ça se reproduise. À ce moment-là, les États-Unis ont très peu de réserves de pétrole. Et à ce moment-là, les autorités fédérales considèrent que c'est une énergie qui est propre, qui est sécuritaire pour l'environnement et qui, dont les risques, effectivement, sont très peu élevés. Mais face aux préoccupations du public qui commencent à prendre de l'ampleur, le Congrès va voter une loi en 1977 pour renforcer la sécurité des centrales. Et quelques années plus tard, janvier 79, donc quelques mois avant la catastrophe de Three Mile Island, la Commission de réglementation nucléaire, la NRC, va produire un rapport qui va faire état de plus de 100 défauts de conception de fabrication qui touchent les centrales. Il y en a 17 qui sont considérés prioritaires et il y en a 3 qui seront à l'origine de la catastrophe de Three Mile Island quelques mois plus tard. Donc avant même l'accident de Three Mile Island, on le voit bien, il y a vraiment une préoccupation par rapport au nucléaire aux États-Unis. Il arrive, cet accident-là, il se produit le 28 mars 1979. Qu'est-ce qui se passe concrètement ce jour-là? En fait, à partir de 4 heures du matin, il y aura une série de défaillances mécaniques qui vont s'associer à des défauts de fabrication et une série d'erreurs humaines, et ça va mener à un accident nucléaire dans le réacteur 2. C'est, j'irai pas dans les détails parce que l'énergie nucléaire est en soi très complexe, mais c'est d'abord une panne des pompes d'alimentation en eau, ce qui refroidit le cœur de la centrale qui va provoquer l'accident, et une partie du combustible aussi qui sera en fusion. Mais heureusement, l'enceinte de confinement va tenir, ce qui va empêcher une réaction en chaîne, mais à ce moment-là, on ne sait pas trop. Et c'est ça qui va créer, là, dès les premières minutes, là, une petite panique dans cette centrale. Il y aurait de la confusion, en fait. Ça nous amène à parler un petit peu de la façon dont le personnel sur place va réagir. Mais évidemment, ils sont bien intentionnés, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et il y a une série de gestes, de décisions qui vont être posées, qui vont être contre-productives, finalement. En fait, qui vont aggraver la situation. Ouais. Parce qu'il faut dire que pendant les 24 premières heures, même si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les dangers vont être grandement sous-estimés. Et c'est là que le personnel va poser des gestes, va poser des actions qui vont aggraver la situation parce qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe, ils ne savent pas comment interpréter les messages qu'ils reçoivent. Ça va leur prendre 3 heures pour mesurer réellement l'ampleur de la situation, ce qui est énorme parce que s'il avait fallu que ce soit une grande catastrophe, on parle de milliers de morts à ce moment-là. Les dirigeants de la centrale vont constater alors les dégâts, vont déclarer l'état d'urgence et c'est là qu'ils vont aviser le gouverneur de la Pennsylvanie, Richard Thornburg, et aussi la PMA, c'est-à-dire l'Agence de gestion des crises de la Pennsylvanie. Et c'est seulement à 9 heures du matin que la Maison-Blanche et le Congrès vont être avisés de la crise qui se passe là, du problème de sécurité. Et ensuite, ça va être un enchaînement d'erreurs, d'informations contradictoires. L'entreprise qui possède le réacteur, la Met-Ed, va donner des informations erronées, notamment sur la radioactivité qui a été libérée. La NRC, la Commission sur le nucléaire, va dépêcher du personnel sur place, mais ce sera impossible d'obtenir de l'information concrète parce que le personnel lui-même ne sait pas trop ce qui se passe, ne sait pas trop, encore une fois, comment interpréter tout ça. On ne sait pas quelle est la séquence des événements, donc à ce moment-là, c'est difficile d'identifier la cause de ce qui s'est produit. Et là, à partir de ce moment-là, là, après les 24 premières heures, là, on va plutôt surestimer les dangers qui sont associés à cette catastrophe, justement parce qu'on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Alors, on imagine que c'est pire que ce que c'est. Et c'est là où on va notamment annoncer des mesures d'évacuation volontaires dans un rayon d'à peu près 10 kilomètres. Mais sauf que dans un rayon qui s'étend à presque 20 kilomètres, on va fermer les écoles, on va dire aux gens, restez chez vous. On va demander aux fermiers de rentrer le bétail à l'intérieur et on va évacuer les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. il y a pas de danger, mais en même temps, évacuer les femmes enceintes. Donc, cette contradiction-là, cette gestion un peu chaotique va créer un vent de panique immense au sein de la population et on le comprend. Ouais. Ce qui fait que Jimmy Carter, qui est président à ce moment-là, va décider de se rendre sur place, hein, c'est pour essayer de rassurer la population. Le 1er avril 1979, il est sur les lieux de l'accident, le président Carter. Quel impact ça va avoir, cette visite du président Carter? Puis ça nous permet en même temps, Karine Pirmont, de déjà jeter un petit coup d'œil à la façon dont il va se positionner, gérer cette crise-là. Bien, en fait, Jimmy Carter, il faut le rappeler, c'est un ingénieur nucléaire de formation. Il a été ingénieur nucléaire dans la Navy aux États-Unis. Il est convaincu que l'accident est mineur selon les informations qu'on lui rapporte. Sauf que ce qu'il voit, c'est que la NRC est complètement désorganisée, n'a pas de plan de communication, n'a pas de plan d'urgence, n'a pas d'informations là, de première main fiables. Alors, il se dit, je vais y aller, je vais aller voir, je vais amener ma femme Rosaline avec moi. Comme ça, les gens vont voir qu'il n'y a pas de danger parce que je ne mettrai pas ma femme en danger. Alors, par sa visite, il va vraiment calmer la situation. Il va dire, écoutez, c'est regrettable. Effectivement, ça aurait pu être plus grave, mais calmons-nous. Il n'y a pas de drame à y avoir. Il n'y a pas de danger pour la population à ce moment-là. Alors, à partir de ce moment-là, effectivement, ça calme la population. Ça ne réglera pas nécessairement la situation sur le terrain pour autant parce que là, il y a encore un peu des organisations au niveau de l'information qu'on a sur place. Mais c'est là que les choses, je vous dirais, vont se tasser, vont se calmer et on va reprendre progressivement le contrôle de la situation au sein de la centrale. Et assez rapidement, en fait, bon, 1er avril, Carter est sur place. Assez rapidement, il y a cette évacuation qui a déjà été suggérée. Volontairement. On est en train, en même temps, parallèlement, on se dit, si jamais ça tourne au vinaigre, cette affaire-là, on est en train d'organiser un plan d'évacuation systémique où ce sera obligatoire, tout ça. Donc, la machine est partie, mais assez rapidement, après que Carter envoie ce message rassurant, effectivement, les choses se remettent en place là, assez vite. Parce qu'on craignait, entre autres, qu'une bulle d'hydrogène explose et que ça crée justement cette fusion du cœur nucléaire. Et le 4 avril, on va annoncer à la population que finalement, ça ne se produira pas, il n'y a pas de danger, tout ça est sous contrôle. On a réussi à refroidir le combustible et l'ordre d'évacuation va être levé le 9 avril. Une fois qu'on est vraiment sûr qu'il n'y a plus de danger, les femmes et les enfants pourront revenir. Donc, c'est là que la crise se règle, se termine d'une certaine manière, après la visite de Carter, mais aussi après les annonces de contrôle de la situation qui sont faites auprès de la population. C'est un extrait de la chanson « Shut Them Down » de Gil Scott-Heron qu'on entendait. Une chanson qui est enregistrée peu de temps après l'accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island. Et Gil Scott-Heron qui va faire partie des artistes qui seront présents au concert contre le nucléaire présenté au Madison Square Garden de New York en septembre 1979. Il faut dire qu'il y a toute une série de manifestations, de concerts aussi, qui vont se tenir à New York, à Washington, à la suite de cet accident à la centrale de Three Mile Island. De fait, ça nous amène à parler de la réaction... la population, hein, Karine Prémont, on l'a bien compris, il y a eu un accident sérieux qui finalement, heureusement, n'a pas eu de conséquences sérieuses, mais je le disais d'entrée de jeu, beaucoup de peur, peu de mal, mais beaucoup de peur quand même. Comment y réagissent les Américains à cette situation à Three Mile Island? Bien, il faut dire qu'ils réagissent pas très bien, on le comprend. La population va paniquer dans les premières journées et elle a raison, la population, de paniquer parce qu'on se rend rapidement compte qu'il n'y a aucun plan d'urgence, aucun plan d'évacuation, que les hôpitaux ne sont pas prêts à accueillir les gens. Avant la crise, ça va se développer pendant la crise, mais on comprend bien que c'est un peu trop tard. Donc, quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de gestion efficace de la crise, la population va paniquer à ce point que les gens vont aller retirer leur argent massivement des banques. Il faudra envoyer des réserves d'argent dans les banques par camion pendant quelques jours, stockage de nourriture, de matériel de survie. 40 % de la population va évacuer volontairement la région. Donc, c'est quand même un mouvement de population massif et les gens ont très peur parce que le nucléaire, c'est encore un peu mystérieux et en même temps, on se rend compte que personne n'a l'air de savoir ce qu'il fait. Un peu la fin du monde, la fin du monde possible. Exactement. Et on est à cette ère, il faut s'en rappeler, on est à cette ère de guerre froide encore où justement les menaces nucléaires de la Russie, de l'URSS à l'époque, nous parviennent régulièrement. Alors, on est un peu en mode inconnu dans cette affaire-là. Ouais. Donc, cette inquiétude-là, évidemment, le président Carter en prend acte, ce qui fait qu'il va créer très vite, en fait, une commission d'enquête sur l'accident de Three Mile Island. Dès le mois d'avril 1979, la commission qui est créée par le président Carter. On écoute Fernand Seguin commenter les conclusions du rapport Kemeny à l'émission Antenne 5 le 10 novembre 1979. Alors, les partisans de l'énergie nucléaire espéraient que ce rapport conclue à une série d'incidents hautement improbables, mais enchaînés les uns aux autres, de sorte qu'on aurait pu conclure que ce qui s'est passé à Three Mile Island, qui n'est pas réglé d'ailleurs, était une sorte d'accident miracle qui ne risquait pas de se développer ailleurs ou qui, en tout cas, présentait une probabilité tellement faible qu'on aurait pu l'ignorer. Or, c'est un rapport assez dévastateur. Dans le public en général, on croit toujours que ceux qui sont des experts nucléaires, que ceux qui sont des ingénieurs, sont investis d'une sorte de compétence suprême. Ce qui est plus grave, c'est qu'on a trouvé des traces d'incompétence, des traces importantes d'incompétence, à tous les niveaux. Par exemple, la compagnie qui a construit le réacteur, selon la commission, n'avait ni le personnel, ni l'expertise pour un tel travail. Et tout ça, aux États-Unis, est régi par une commission de contrôle nucléaire qui, selon la commission d'enquête, a des standards trop flous et qui n'a pas réagi avec promptitude. Il y a eu un moment, en effet, où il y avait un risque d'explosion extrêmement grave et pendant ce temps-là, les membres de la commission de contrôle nucléaire se réunissaient pour préparer un communiqué de presse pour tâcher d'apaiser la population au lieu de prendre des mesures urgentes qui eussent été nécessaires en cas où l'explosion se serait produite. Ah, c'est vraiment, c'est évident avec ce qu'on vient d'entendre, Fernand Seguin qui revient sur les conclusions du rapport Kemeny. Ça sera très, très dur, les conclusions de ce rapport, à l'endroit de toute la mécanique, la gestion politique administrative du nucléaire aux États-Unis. Oui, les exploitants de la centrale, les fabricants, la NRC aussi seront mis à mal dans cette commission-là. Ça va mener à des lois du Congrès, notamment au début des années 80, pour renforcer la sécurité, pour établir une chaîne de commandement, ce qu'on n'avait pas préalablement, justement, pour obliger aussi les entreprises à avoir des plans d'urgence d'évacuation et des plans de communication aussi auprès du public. On va resserrer la réglementation, on va essayer de mieux gérer les facteurs humains également. Donc, on va essayer d'établir une planification plus rigoureuse, plus systématique, pour éviter à tout le moins que, même en cas d'incident mineur, on alerte une population, on fasse paniquer une population comme ça, sans trop savoir si c'est nécessaire ou pas. Oui. Puis ce qui est fascinant, on entendait Fernand Seguin rappeler que pendant qu'il fallait agir, parce que ça aurait pu être un accident très grave, on a juste été chanceux, on est plutôt à rédiger un communiqué pour tenter de rassurer la population. Puis moi, en préparant cette émission, ce qui me fascinait, c'est de faire le parallèle. Il y a probablement des auditeurs qui ont regardé la série télé Tchernobyl, où on a, dans le cas de Tchernobyl, un appareil d'État dans les belles heures du régime communiste soviétique, un appareil d'État qui tente de camoufler la gravité de l'accident. Aux États-Unis, c'est la compagnie privée qui gère la centrale de Three Mile Island, mais qui a le même réflexe. C'est quand même fou quand on y pense. Il y a le même réflexe, mais en même temps, on est dans un système où le gouvernement, justement, et les citoyens font confiance à l'entreprise privée pour s'occuper de l'intérêt des Américains. Alors, on est vraiment dans deux régimes complètement différents, mais heureusement, dans le cas de Three Mile Island, on ne parle pas d'une catastrophe de l'ampleur de Tchernobyl. Exact. Mais Tchernobyl va sceller le sort, de toute façon, du nucléaire aux États-Unis, comme dans d'autres pays occidentaux par ailleurs. Ouais. Mais déjà, Three Mile Island va secouer les Américains à un point tel, même si on a évité la catastrophe, que c'est un petit peu le début de la fin du nucléaire, de la filière nucléaire aux États-Unis à ce moment-là. Oui, parce que c'est vraiment l'industrie nucléaire qui va subir les conséquences directes de cet accident-là. Dans les jours qui suivent, l'industrie va perdre considérablement de sa valeur en bourse, par exemple. Ce sera aussi la fin de la construction de nouvelles centrales. Il faudra attendre 2012 pour que de nouvelles centrales nucléaires soient construites. Les commandes de réacteurs qui étaient déjà faites ont été annulées à ce moment-là. Et progressivement, on va voir le déclin de l'appui au nucléaire parce qu'évidemment, la population a perdu confiance dans cette industrie-là après Three Mile Island. Le soutien au nucléaire aux États-Unis va passer de 69 % à 46 % en 2 ans, entre 77 et 79. Donc, très clairement, la gestion de la crise a été pire que l'accident concernant Three Mile Island. L'entreprise sera qui possédait cette centrale va aussi devoir débourser des millions de dollars parce qu'elle a été accusée notamment d'avoir falsifié des résultats de tests avant l'accident. Et l'activisme anti-nucléaire va aussi prendre de l'ampleur. Jane Fonda, justement, qui était dans le film Le syndrome chinois, va faire du militantisme anti-nucléaire. Il y aura ses concerts, notamment à New York, mais en mai, quelques mois avant, à Washington, D.C. Donc, vraiment, on aura un mouvement anti-nucléaire très fort suite à cet accident. Parce qu'on en profite, évidemment. C'est un accident qui frappe l'imaginaire. Donc, les militants anti-nucléaires vont... C'est un levier, finalement, pour... Oui, parce que les gens se disent s'il avait fallu, ou il manquait juste ça, puis finalement, on se retrouvait avec des milliers de morts sur les bras. On ne peut pas prendre ce risque-là. Ce n'est pas suffisamment sûr. Ce n'est pas suffisamment réglementé. Ouais. Alors, il faut laisser tomber. Cette fameuse centrale, aujourd'hui, on entendait au début de l'émission cet extrait d'un reportage d'Alain Bourgognon. Ça paraît surréaliste, mais qui disait, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est une attraction touristique. Oui. On visite la centrale. Mais de fait, qu'est-ce que sont devenus les deux? Il y en avait deux, je pense. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette centrale-là? Ben, en fait, le premier réacteur, celui qui a été touché par l'accident, n'a jamais réouvert par la suite. Le premier réacteur, lui, a repris du service en 85. Une fois qu'on a nettoyé, ça va prendre presque 20 ans pour nettoyer le site. Ça va coûter 1 milliard de dollars. Ça va produire 15 tonnes de déchets radioactifs qu'on va envoyer notamment dans des contenants sécurisés en Idaho et qu'on certains restent sur le site aussi. Et pour le deuxième réacteur, on prévoit sa fermeture à l'automne 2019. Donc, ça clôt cet accident de Three Mile Island de façon définitive. Karine Prémont, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Karine Prémont, collaboratrice régulière à Aujourd'hui l'Histoire, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.